Bitcoin BASIWI, valeur sous-jacente de Bitcoin. La valeur de Bitcoin découle de plusieurs propriétés telles que l'absence de permission et la décentralisation. Pour mieux comprendre la valeur fondamentale, nous pouvons regarder comment cela fonctionne. La valeur numérique, comme un document, n'est jamais vraiment déplacée ou vraiment transmise dans le monde du stockage numérique. Au lieu de se déplacer, les données sont copiées vers un autre emplacement et l'original est supprimé. Cela peut entraîner des problèmes tels que la double dépense et la fraude. C'est une question de confiance. Les systèmes de classement modernes tentent de résoudre ce problème en utilisant un point de confiance central pour vérifier et approuver les modifications apportées à cette copie. La technologie blockchain de Bitcoin résout ce problème différemment, sans autorité centrale et avec une vérification mathématiquement fiable. Les participants au réseau Bitcoin sont les témoins numériques qui n'ont pas à se faire confiance. Ils vérifient et approuvent les modifications apportées au grand livre public. Cela se fait via une preuve de travail ou une preuve de travail. Cela garantit que les transactions sont traitées de manière fiable. Cela rend le Bitcoin fiable et inébranlable. De plus, les individus contrôlent leurs propriétés via leurs clés privées, en s'appuyant sur le cryptage et les mathématiques, et non sur un actif physique sous-jacent ou sur une autorité centrale. C'est révolutionnaire. Tout cela peut poser un défi aux investisseurs plus traditionnels, qui sont souvent habitués aux sous-jacents physiques. En fin de compte, c'est le marché qui fixe un prix fiat pour les propriétés sous-jacentes et la valeur du Bitcoin. Alors que les utilisateurs de Bitcoin n'ont même pas à faire cette conversion.